son d'Ibiza. Le son d'Ibiza. En direct partout en France. C'est Fuck Me I'm Famous sur Fun Radio. We'll be right back. Thank you. the afterworld. En direct du Pacha à Ibiza sur Fun Radio. Radio. Thank you. son sur Fun Radio jusqu'à 6h du matin. J'espère que la soirée se passe bien. Nous, on est en direct d'Ibiza pour une énorme soirée pour la closing du Pacha avec la Fuck Me I'm Famous, la dernière de la saison sur l'île avec David Guetta qui prendra les platines dans environ une heure. On a eu droit à Sarah Main tout à l'heure aux platines du Pacha et là c'est les Deep Dish aux platines du Pacha jusqu'à 4h15. Ça sera après l'heure de prendre les platines pour David Guetta. Pour le début de soirée, là-bas, tout est un petit peu décalé. Forcément, ça va finir très tard. En tout cas, nous, jusqu'à 6h, on est en direct du Pacha. 4h, David Guetta qui prend dans les platines. Et là, c'est Deep Dish. Encore du gros son jusqu'à 6h. Le son du Pacha en direct sur Fun Radio. Toute la nuit. Toute la nuit. Fun Radio est en direct d'Ibiza. Fun Radio. He's done his best remix of the summer. And just after that, just after the fire, I'll be playing for you until the morning. My name is David Guetta and this is Fuck Me I'm Famous. Big smile on my face. Hey, I'm happy. We'll be right back. sera au platine tout à l'heure, dans moins d'une heure. David Guetta, que vous allez retrouver avec encore du gros son jusqu'à 6h du matin. C'est David Guetta qui va mixer. Et là, on est toujours en direct du Pacha. C'était Sarah Maine qui était au platine tout à l'heure. Actuellement, c'est les Deep Dish, le duo Deep Dish au platine du Pacha. Pour la closing, la dernière soirée, Fuck Me Infamous de la saison. Vous la suivez en direct jusqu'à 6h du matin sur Fun Radio. Le son d'Ibiza. Le son d'Ibiza. En direct partout en France. C'est Fuck Me Infamous sur Fun Radio. Infamous en direct du Pacha à Ibiza sur Fun Radio. D'Ibiza.

venez d'arriver, on est en direct du Pacha Ibiza pour la closing, la Fuck Me I'm Famous, dernière grosse soirée de la saison avec les Deep Dish au platine. Il y a eu Sarah Main tout à l'heure. Et là, d'ici quelques minutes, ce sera David Guetta, votre DJ préféré, qui sera au platine pour la dernière Fuck Me I'm Famous de la saison. Dans un instant, David Guetta au platine du Pacha Ibiza. Fun Radio, en direct du Pacha à Ibiza. Fun Radio. En direct du Pacha à Ibiza. Fun Radio. We'll be right back. Radio. La soirée se passe bien pour vous, pour nous c'est juste énorme. On est en direct d'une des plus belles boîtes d'Ibiza. La discothèque s'appelle Le Pacha et une grosse soirée ce soir puisque c'est la dernière des Fake Meme Famous de la saison. Dernière soirée également à Ibiza, donc pour la closing, grosse soirée Fake Meme Famous avec Sarah Bain qui était au platine. Si elle est deep dish toujours pour la fin de leur set et elle est dans moins de 10 minutes, ça sera David Guetta. Qui est papa d'ailleurs depuis une petite semaine, une petite Angie. On voit là une petite sœur pour Tim Elvis. En tout cas David Guetta qui sera au platine du Pacha. Ça sera dans moins de 10 minutes. Vous allez pouvoir écouter ça en direct sur Fun Radio dans toute la France et faire la teuf avec nous jusqu'à 6h du matin. La soirée du Pacha sur Fun Radio. Toute la nuit. Fun Radio est en direct d'Ibiza.